quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'histoire des pirates et des corsaires. Aujourd'hui, le documentaire. Après avoir distingué pirates, corsaires et flibustiers grâce à l'historien Philippe Rodège, c'était lundi, mardi, nous être intéressés à l'évolution de la piraterie en Méditerranée à l'époque antique, puis hier avoir découvert les nombreux apports de l'archéologie à ce domaine, tout en distinguant chasseurs de trésors amateurs et parfois très intéressés et archéologues professionnels, nous allons aujourd'hui, grâce au documentaire de Victor Massé de Lépinay et Renaud Nalmar, nous arrêter sur un tableau, l'abordage du peintre et écrivain Louis Garneret qui raconte la prise du Kent par le corsaire Robert Surcouf le 7 octobre 1800 dans le golfe du Bengale. Jusqu'à 10h ce matin, donc, le sabre, le pinceau et la plume, un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Renaud Nalmar avec les analyses de Martine Acera, Alain Roman, Philippe Petou, Laurent Manœuvre et Dominique Lebrun. Le Kent, c'est un vaisseau de guerre de la Compagnie des Indes qui se rend de Londres au Bengale et qui en ce moment court bâbord amure et serre le vent pour nous accoster sous toute voile possible. À présent, ce navire doit-il nous faire monter à l'apogée de la fortune ou nous jeter, cadavres vivants, sur un affreux ponton? C'est là un secret que Dieu seul connaît. N'importe, on risquera la captivité pour acquérir de l'or. L'or, une si belle chose quand on sait comme nous le dépenser follement. Le sabre, le pinceau et la plume, la prise du Kent par Louis Garneret. Victor Massé de Lépinay, Renaud Dalmar. Tout le monde sur le pont! Elle surcouffe du haut des barres. Du café, du rhum, du bishop. Faites rafraîchir l'équipage. Branle-bas général de combat, ajouta-t-il d'une voix éclatante. La confiance est derrière. Le Kent est devant. Le Kent, lui, a prévu de virer à bâbord pour se retrouver derrière la confiance. Mais il manque ce virement, il continue tout droit et la confiance arrive juste derrière, s'accroche et après c'est l'abordage. La manœuvre là, elle est superbe. Là, il y a toute la science de marin, de Surcouf, il n'y a aucun doute là-dessus. Au musée Carnavalet, à Paris, on peut voir deux bustes d'Ambroise Louis Garneret par le sculpteur caricaturiste Jean-Pierre Dantan. Le premier, le portrait sérieux, nous montre le visage rond et harmonieux, au front large, d'un homme qu'on devine à la fois robuste et sensible. Le second, le portrait charge ou caricatural, tient plus du monstre marin, mi-homme, mi-poisson, et en plus des nageoires et d'une queue d'écaille, on y distingue des attributs, en particulier une hache d'abordage et une palette de peintre. C'est que Louis Garneret, qui vécut entre 1783 et 1857, fut un être composite, à la fois, ou plutôt successivement, corsaire, peintre et écrivain. C'est son tableau que nous observons aujourd'hui, ce sont ses textes que nous entendons. Car la prise du Kent par Robert Surcouf, Garneret l'a peinte, raconté et vécu. Enfin, ça reste à prouver. Notre enquête commence bien loin de l'embouchure du Gange où l'abordage a eu lieu. Nous sommes dans la patrie de Robert Surcouf, dans la cité corsaire, à Saint-Malo. Là, il y a une reproduction de la toile de Saint-Malo par Garneret, qui est dont l'original est à la Chambre de commerce de Paris. Donc c'est un petit format, il est très agrandi, mais permet de donner une idée de ce qu'était Saint-Malo dans les dernières années de la vie de Surcouf. Philippe Petou, vous nous accueillez au musée de Saint-Malo, dont vous êtes le conservateur. Dans ce musée, évidemment, entre un portrait de Chateaubriand et un portrait de Surcouf, les scènes de vie maritime sont abordées et l'abordage du Kent de Garneret est un des tableaux majeur de ce musée, même si en ce moment il n'est pas exposé. Oui, même s'il n'est pas exposé, et même si on peut dire que l'abordage est quand même un fait assez extraordinaire dans le quotidien de la vie des corsaires. En fait, la course, c'était plus un procédé d'intimidation, et on sait que vraiment, quand il y a vraiment une attaque d'un navire, c'était vraiment parce qu'on ne pouvait plus faire autrement, et c'était un petit peu la tactique de Surcouf de oser finalement l'abordage. Ça a été considéré comme un fait chevaleresque à l'époque. Et pourquoi aujourd'hui on ne peut pas voir ce tableau de l'abordage? Alors, on l'explique ici, le tableau est peint sur une toile dite indessiccable, inventée par Garneret, qui est un procédé qui ne semble pas avoir réussi, parce qu'en fait la toile plusieurs fois s'est craquelée, et les détails n'étaient plus lisibles, notamment ceux de l'abordage. Là. Donc on l'a de nouveau restauré en retendant la toile et en espérant que ça va tenir cette fois. Donc on l'a pas remise ici dans ce donjon qui a une hygrométrie redoutable. Donc pour ne pas avoir trop de variations, on l'a mis dans une réserve où le climat est à peu près stabilisé. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici? Ici il y a un petit bateau en ivoire qui nous a été déposé par l'association des descendants de corsaires qui représente le Kent. Alors il y a toute une légende, on dit que les filins ont été faits avec les cheveux des femmes qui étaient à bord du navire de la Compagnie des Indes, puisqu'il y avait sur ce navire que son Surcouf s'est emparé, il y avait beaucoup de passagers. Au commandement de Surcouf, le bastingage s'encombre de sacs et de hamacs, destinés à amortir la mitraille. Les panneaux se ferment, les garde-feux remplis de gargousses arrivent à leurs pièces. Les écouvillons et les refouloirs se rangent au pied des servants. Les bails de combat s'emplissent d'eau. Les bouts de feu fument. Enfin, toutes les chics sont renouvelées. Chacun est à son poste de combat. C'est beau, hein? Non. Vous voyez, complètement restauré. Le public ne l'a pas encore vu comme ça. Alors, Philippe Petou, nous sommes dans les réserves du musée de Saint-Malo. Oui. On est passé devant des rayons de mobilier, de cloches, de matériel qui sorti des épaves de la natière qu'on a trouvé il y a quelques années dans la baie de Saint-Malo. Et là, vous nous avez sorti de sa caisse cette prise du Kent, cet abordage de Garneret, tout fraîchement restauré. Il est posé par terre devant nous, on est le nez sur le tableau. Tout à fait. Comme on ne le voit pas généralement, d'ailleurs. L'abordage, puisque c'est son nom authentique, est un grand tableau, comme vous voyez, qui fait 1,60 m de hauteur sur à peu près 1,80 m de large, et qui est centré sur cet fait extraordinaire d'un abordage par la confiance commandée par Robert Surcouf, navire d'un seul pont de 24 canons face à un énorme vaisseau de la Compagnie des Indes anglaises qui a, lui, deux batteries de canons. Donc on est dans le golfe du Bengale, dans l'océan Indien. Ça se passe le 7 octobre 1800. Là, on voit les deux navires l'un côte à côte, mais ils étaient précédés par toute une série de manœuvres et d'approches. Alors Surcouf appelle l'équipage autour de lui. Je me souviens de ce discours comme si je l'avais entendu prononcer hier. Il lui parle ainsi. « Mais bon, mes braves amis, vous voyez sous notre grappin le plus beau vaisseau que Dieu ait jamais, dans sa sollicitude, mis à la disposition d'un corsaire français. Ne pas nous en emparer, et cela vivement, tout de suite, serait méconnaître la bonté et les intentions de la Providence et nous exposer par la suite à toutes ses rigueurs. Il est plus fort que nous, direz-vous, j'en conviens. Je vais même plus loin. J'avoue qu'il y aura du poil à aller pour la mariner. Oui, mais quelle joie quand, après un peu de travail, nous partagerons des millions. Quel retour pour vous à l'île de France. Les femmes vous accableront tellement d'œillades, d'amour et d'admiration que vous ne saurez plus à qui répondre. Et quelle bombance! Ça donne le frisson rien que d'y penser. Là, on est à un moment où les hommes, les deux navires sont accrochés en quelque sorte, et les hommes de Surcouf escaladent, espèce de falaise, on pourrait dire, puisque c'est quand même On a 10-15 mètres de hauteur pour monter jusqu'au pont du navire anglais. Alors bien sûr, il y a déjà eu des tirs de canon, il y a déjà de la fumée dans l'air, on voit qu'une partie même la Confiance, une partie de mât est cassée. On ne sait pas trop ce qu'on fait, parce qu'on ne voit rien, c'est une mêlée indescriptible, et c'est ça qui est terrifiant dans un abordage, c'est que ça se termine par une mare de sang, et à un moment, il faut cesser le combat, et ça s'est cessé très rapidement, au bout de 10 minutes, le capitaine ayant été tué, la prise a été considérée de fait, l'affaire a été terminée, quoi. C'est avec gravité que nous annonçons la capture de l'Indiaman Kent. Hier, dans le golfe du Bengale, par le bateau pirate, la Confiance. Après une lutte de près d'1h45, au cours de laquelle le capitaine Rivington a été tué. Courageusement et jusqu'au bout, celui-ci a défendu les propriétés de la compagnie. Il mourut en criant « N'abandonnez pas le navire ». L'équipage de la Confiance, armé de sabres et de pistolets, avait été encouragé par force liqueur avant l'abordage. Ils firent preuve d'une cruauté rarement vue dans un combat naval, ne faisant pas de quartier, sabrant même les malades restés dans leur hamac. Le capitaine des bandits, après les avoir détroussés de tous leurs biens, les transborda dans un bateau arabe avec rien d'autre qu'un peu d'eau croupie et des dattes. Ce n'est qu'après 4 jours terribles qu'ils furent débarqués à Calcutta. East India News, 8 octobre 1800. Moi, je trouve très intéressant ce texte donc, qui provient des autorités anglaises qui relate la prise du Kent, parce que ce texte utilise tout le vocabulaire classique pour dénigrer l'ennemi. Martine Acera, historienne. L'ennemi, c'est le bandit, c'est celui qui commet des erreurs, qui viole les droits humains, le droit de la guerre. On a tous les termes pour véritablement dénigrer l'ennemi, alors que il ne s'agit pas d'un pirate, mais bien d'un corsaire. Ça, c'est typique et c'est né depuis que les Anglais et les Français ont le bon goût de se rencontrer pendant les guerres, et en particulier depuis la guerre de 7 ans. C'est tout un jeu donc diplomatique aussi, hein, qui consiste à dénigrer l'autre, qui est évidemment le méchant, celui qui ne respecte pas les règles de la guerre. Et ça s'exacerbe avec la période révolutionnaire et impériale, où là, les conflits sont majeurs en termes de rigidité. Alors pendant cette période révolutionnaire et impériale, est-ce qu'on peut dire, Martine Acera, que globalement la France perd une bonne partie du contrôle des mers, une partie de ses possessions d'outre-mer? Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu le tableau de cette rivalité de franco-anglaise dans le monde, disons au tournant du 19e siècle? Oui, c'est en effet la dernière étape de confrontation franco-anglaise. Après 1815, ce sera terminé et on changera d'optique diplomatique, puisque il y aura au contraire des alliances entre la France et l'Angleterre. Là, pour le moment, on est dans la période la plus tendue de ces grandes confrontations. Depuis 1793, en fait, et pendant presque 25 ans, les Anglais et les Français ne vont pas cesser de se poursuivre sur les mers. La France perd pour toutes sortes de raisons qu'il est peut-être pas utile de rappeler ici, mais il y a du surnombre du côté anglais qui a toujours eu plus de bâtiments en fait que la France, de l'ordre de 3 fois plus, avant même les guerres révolutionnaires. Beaucoup d'hommes d'équipage également, ce que la France n'a pas, ce que les Anglais vont comprendre, hein, très vite, ils l'ont compris depuis la guerre de 7 ans. En fait, que la faiblesse de la marine française, c'était son peu de matelots. Donc, dès qu'ils saisissent un navire de guerre, ils vont garder prisonniers les équipages. On rend les officiers, parce que les officiers sans équipage, ça sert à rien. Donc, on garde les matelots prisonniers jusqu'à la fin de la guerre. Et petit à petit, le processus devient un vrai système. À partir du moment où on retient les vrais marins, les hommes compétents, on peut avoir la plus belle marine du monde, elle sert à rien, puisqu'il n'y aura pas les équipages à mettre dessus. Et pour la France, à cette époque-là, en 1800, c'est un des seuls moyens qu'il reste pour ces espaces très lointains, pour pouvoir continuer à essayer de faire tort à l'Angleterre, c'est d'utiliser la course. Les corsaires, ce ne sont pas les pirates? Ah non, les corsaires ne sont pas les pirates. Ils ont quand même une autorisation officielle. Alain Roman. C'est qu'ils sont considérés un peu comme des supplétifs de l'armée navale, si l'on veut, qu'ils soient empereurs, républiques ou monarchies, c'est pareil. Le gouvernement n'a jamais assez d'argent pour entretenir sa marine, et il est bien content de trouver des armateurs privés et des capitaines privés. C'est une délégation de service public, tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. Bon, c'est exactement le système qu'on connaît maintenant. Délégation de service public. Surcouf était attaché à ce drapeau tricolore, hisser les couleurs, oui. C'est bien son style. Oui. Mais des fois, à hisser ses couleurs après avoir surpris l'ennemi. Voilà la chose en deux mots. Nous sommes 130 hommes ici. Comme eux, sont à peu près 130 hommes là-bas. Or, chacun de vous vaut un peu mieux, je pense, qu'un Anglais. Vous riez, farceur, très bien. Une fois donc à l'abordage, chacun de vous expédie son English. Rien de plus facile, n'est-ce pas? D'où il s'ensuivra qu'au bout de 5 minutes, il n'y aura plus que nous à bord. Est-ce entendu? Oui, capitaine, s'écrièrent les matelots avec enthousiasme. Ça y est, à l'abordage! Alain Roman, nous sommes sur les remparts de Saint-Malo, au pied d'une statue de Robert Surcouf. De la main gauche, Surcouf tient son sabre d'abordage. De la main droite, il nous montre la mer, le large. Juste derrière nous, le Grand Bay, où est enterré un autre Malouin célèbre, contemporain de Surcouf, Chateaubriand. Un peu plus loin, on voit l'île de Sésambre, le fort de la Conchée. Mais plus loin, là-bas, derrière l'horizon, c'est bien l'Angleterre que nous montre Surcouf. C'est l'Angleterre, et il a failli ne pas être là. Parce que déjà, on avait des ennuis. Quand on a fait cette statue, c'était 1903, il était question de la mettre là. Oui, mais c'était le début de l'entente cordiale. Pas question de fâcher les Anglais. Donc on l'a mis en bas, devant la porte de Dinan, et il n'est venu ici qu'en 1958. Parce que Robert Surcouf, c'est un nom qui fâche les Anglais. C'est un nom qui fâche les Anglais, mais je pense que Surcouf n'était pas un anglophobe. Il n'aimait pas les Anglais, mais comme il n'aimait pas les gens qui occupaient son pays. En 1800, quand Louis Garneret rencontre Surcouf, qui est Surcouf à cette époque-là? Je ne suis pas sûr que Garneret ait rencontré Surcouf. Surcouf, à ce moment-là, a 27 ans. Il est à sa principale campagne de course, celle qu'il a commencée sur la Clarisse et poursuivie sur la Confiance, autrement dit 98-99. Et 1800, sa gloire est assise à ce moment-là. Et Surcouf, qui bourlinguait dans l'océan Indien, est-ce qu'il a passé beaucoup de temps à Saint-Malo? Plus qu'on ne croit. Il arrête de faire la course, effectivement, en 1809. Mais après, il arme des bateaux. Et puis, il arme des bateaux corsaires, d'accord, mais après, il y a la paix. Alors, il s'arrête? Non, il ne s'arrête pas. Entre 1815 et 1827, c'est-à-dire sa période d'armateur commercial, il a armé à 116 reprises. C'est du boulot! Quand il est mort, il était peut-être le plus important armateur de Saint-Malo. On oublie de dire qu'il ne s'est pas contenté d'avoir une propriété ici, une propriété là. Il était un des plus gros propriétaires fonciers de la région. Il avait plus de 800 hectares dans 15 paroisses sur 3 départements différents. Vous allez dire, c'était pour bien vivre, etc. Non, c'était pour spéculer sur les produits, les vaches, le lait, les pommiers, etc. Robert Surcouf est un excellent homme d'affaires qui sait très bien manipuler l'argent et qui, en fait, a fait sa richesse à partir de ça. Pendant que Drieux combat, Surcouf, avec cette lucidité d'esprit qui embrasse jusqu'au moindre détail d'un ensemble, surveille et dirige la bataille. « Allons donc, Avriot! Allons donc, guide !» s'écrie-t-il. « Des grenades, donc! Des grenades! Toujours des grenades !»« À l'instant, capitaine !» répond le gabier guide placé dans la hune de misaine. « C'est que les deux lanceurs du bout de la vergue viennent d'être tués !»« Eh bien, baptise les Anglais avec leurs cadavres et venge-les !» reprend Surcouf. « Tout de suite, capitaine !» dit le gabier Avriot. Quelques secondes plus tard, la chute imprévue des deux cadavres, qui tombent lourdement au milieu de la masse des ennemis, opère une éclaircie momentanée dans leur rang. J'ai une prise du quinte, mais elle a été roulée pendant quelques années, donc il faut la remettre à l'endroit. Dominique Lebrun, journaliste et écrivain. Et alors là, attention, surprise, ce que vous allez constater, c'est que c'est une prise du quinte qui n'est pas celle du musée de Saint-Malo, mais celle de la Roche-sur-Yon. Mais je m'en suis servi pour faire une photo dans un livre. Et donc, on l'a en grand format et ça va être rudement agréable pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà. Cela dit, c'est à peu près la même, ou voire tout à fait la même que celle de Saint-Malo. Ça étonne les habitués d'œuvres d'art qui n'imaginent pas qu'un tableau puisse exister par le même auteur en plusieurs exemplaires. Mais Garneret était un homme de communication. Il a beaucoup travaillé sur la gravure et sur des toiles spéciales pour que les tableaux durent très longtemps. L'idée, c'était de faire passer le message et donc qu'il ait fait deux tableaux sur le même sujet n'a dans le fond strictement rien d'étonnant. D'autant plus que quand on le regarde bien, on se rend compte que c'est une œuvre avant tout documentaire. C'est le souci principal de Garneret que de nous décrire par le détail toutes les phases d'une prise à l'abordage d'un grand vaisseau par un petit navire, ce qui n'était pas, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, seulement un inconvénient. Ça avait aussi quelques avantages et on peut les lire sur le tableau. Alors, premier point, en plein milieu du tableau, apparaît le pavillon tricolore. Et ça, c'est la chose capitale dans une attaque de corsaires. On déploie le pavillon du pays qui vous a attribué une lettre de course. Sans ça, on est un pirate. Donc on a un petit pavillon national en tête de mât dont je ne sais pas trop ce qu'il fait là. Mais l'important, c'est celui qui est à la corne d'Artimon ici, qui évidemment a été essayé au tout dernier moment, la confiance ayant approché le quinte en ne dévoilant ni ses intentions d'attaque, ni sa nationalité bien entendu. Alors l'autre élément qui est très très très important, c'est la hauteur comparée des deux coques. La confiance, bateau corsaire donc, d'origine, est une coque très basse. Et si on regarde la première batterie, la batterie basse du Kent, elle se trouve au-dessus du niveau du pont. Et les canons, ils ne peuvent pas tirer vers le bas, ce qui fait que même si le bateau anglais tire, lorsque le bateau français s'est collé contre la coque, les boulets ou la mitraille même passeront au-dessus. En revanche, si on regarde les vergues ici, et ça c'est la très grande force des corsaires, elles servent de passerelles. C'est-à-dire que les corsaires montent dans la mâture par les enfléchures, donc ce qui est tendu entre les haubans, atteignent ces vergues, et ces vergues, elles viennent à la hauteur du bastingage, c'est-à-dire des filets remplis de défense du bateau adverse, ce qui permet de courir à l'assaut et de tomber sur l'ennemi. On voit un petit peu plus haut aussi, très important dans les unes, les tireurs d'élite. Et les tireurs d'élite, quel est leur rôle? De viser les officiers bien chamarrés et en rouge vif, qui sont les officiers qu'il faut tuer. Il est bien connu qu'une fois que les officiers sont tués, l'équipage et les troupes de marine qui sont à bord ne demandent plus qu'à se rendre. C'est toute la tactique des corsaires. Drieux, officier aussi intrépide que capable, conduit son escouade d'abordage avec autant de valeur que de présence d'esprit. Il franchit bientôt l'intervalle qui sépare les deux navires et, atteignant le gaillard d'avant, tombe impétueusement sur l'ennemi qui, je dois l'avouer, fait bonne contenance. Les officiers anglais, trahis par leurs brillants uniformes, commencent alors à tomber sous les balles infaillibles de nos chasseurs bourbons. Un officier ennemi, au milieu de cette boucherie, de ce pêle-mêle général, braque une pièce de l'avant dans la batterie de façon à pouvoir prendre la confiance en écharpe et y met le feu. Quelques matelots qui passaient sur le bras et la verge de l'ancre sont mutilés ou broyés. Qu'importe, on les vengera. La réalité du combat n'est pas tout à fait celle qui nous a raconté dans ce texte sublime au demeurant, mais quelque peu exagéré. Alors notez que le tableau tel qu'il apparaît là correspond tout à fait au texte. On voit notamment les grappes de personnages sur le gaillard d'arrière du Kent, ces gens qui essaient de monter à l'assaut qui retombent à l'eau. Ça c'est parfaitement décrit dans le texte de Garneret et c'est très certainement authentique. En revanche, l'histoire du Kent est la suivante. Surcouf pense s'attaquer à un bâtiment de transport qui donc doit avoir un équipage correspondant à peu près numériquement au sien, à peu près 120 personnes. Le seul problème, c'est qu'il ignore que le Kent a embarqué des soldats en plus, et que non seulement il a embarqué des soldats, mais il a pris l'équipage et les soldats d'un autre navire qui avait pris feu. Donc, schématiquement, ils attaquent à 1 contre 3 ou 4. Alors ça, c'est magnifique. Mais il se trouve que sur un vaisseau comme le Kent, on n'a pas de place pour se battre. Ça veut dire quoi ? Que certes, les Anglais peuvent en profondeur avoir toujours une ligne pour remplacer une ligne qui remplacerait une remplacer une ligne, ce que les Français n'ont pas tout à fait, mais on ne peut pas arriver à des montagnes de cadavres comme le décrit Garneret. Donc, ce que l'on voit sur le tableau, ça fait quelques dizaines de personnes, ça devait être comme ça, mais l'emplacement pour se battre est réduit finalement au fronton de Dunette et au passe-avant. Le reste, on ne peut pas y aller. Donc, lorsque vous avez seulement pour vous entretuer, excusez-moi l'expression, une zone qui fait 3 ou 4 mètres de large, ça limite les dégâts, si j'ose dire. Il y avait un petit détail que je trouve caractéristique de la façon de procéder de Garneret. Martine Acera. On a à l'arrière, à la poupe, une chaloupe qui est accrochée sur ces barres de déchargement avec un personnage qui tient un sabre sur lequel je vais revenir et deux autres personnages armés de fusils et qui tirent sur les abordeurs, sur les corsaires qui sont en train de monter à l'abordage. Je reviens sur ce personnage au milieu de la chaloupe, parce que lorsque j'ai regardé avec précision grâce à Internet, on peut zoomer, voir des détails très très précis, mieux que si finalement on était devant le tableau, ce personnage est un noir. Et c'est intéressant parce que ce personnage n'est pas du tout habillé comme un marin. Il porte un gilet, une chemise blanche, c'est visiblement un domestique. C'est un domestique probablement d'un des officiers, voire du commandant du Kent, qui participe au combat. Et qui y participe en ayant pris ce qu'il avait à disposition, c'est-à-dire une épée. Il ne doit pas être formé à tirer, donc moi l'épée, il va pouvoir s'en servir. Et je trouve ça très symbolique. On a tout à travers ce filtre de ce simple personnage, tout un discours possible à tenir. On a la présence des domestiques à bord, présence des domestiques qui ne sont pas forcément blancs, qui peuvent être des noirs, qui peuvent être donc des esclaves affranchis, présence donc des noirs dans le monde européen. Et puis également ici, un personnage qui va agir pour défendre la nation qu'il sert, qui est l'Angleterre. Et dans le texte de Garneret, Garneret insiste pour cette prise du Kent sur le fait que c'est un noir, du côté français, qui a mis le premier le pied sur le Kent, un noir nommé Bambou, qui était le premier, mais sans doute qui a une signification. Alors ça a une signification parce que on est en 1800 et l'esclavage a été aboli et n'est pas encore rétabli à ce moment-là. Donc le noir est un personnage emblématique donc de cette volonté d'ouverture et d'éliminer cette affreuse pratique qui était donc l'esclavage. Et Garneret, en le plaçant à bord et comme le premier, montre que c'est un homme comme les autres. Quand il écrit ce texte, Garneret a déjà été lui-même négrier, ou en tout cas a travaillé sur des bateaux négriers. Sur ce point-là, on sait très bien qu'un certain nombre de pratiquants de la traite négrière s'interrogeaient. On sait aussi, on a eu tout le clan des abolitionnistes qui ont obtenu donc satisfaction avec l'abolition au moment de la Révolution. Mais pour ce qui est des personnes qui faisaient la traite, l'interrogation morale peut venir plus tard. Garneret, quand il écrit ses œuvres, il écrit après tout cela. Son discours n'est pas celui de l'actualité exacte de la prise du Kent. Sur le tableau, encore un détail qu'il faut signaler, c'est tout à fait sur la dunette un personnage qui a l'air d'être un civil et qui regarde arriver les corsaires On dirait même qu'il les salue de la main. Je pense qu'il est en train de lancer une grenade plutôt. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'était que les Anglais étaient tellement sûrs de couler ce qui leur apparaissait comme une coque de noix, que les civils qui étaient transportés sur le bateau, dont nombre de jeunes femmes, de jeunes dames, étaient venus avec leurs ombrelles, leurs capelines, se grouper sur le passe-avant pour regarder le massacre. Et puis, à leur grande surprise, elles ont vu monter dans les enfléchures une bande de sauvages épouvantables et n'ont eu que le temps de se réfugier dans les entrepôts, où, semble-t-il, elles n'ont en aucun cas eu à se plaindre du comportement des corsaires français, qui, chacun le sait, sont de véritables gentlemen. Dans les équipages, il y a plusieurs choses. Il y a les officiers, qui eux sont en général issus du monde des officiers, et souvent de la famille du capitaine ou de l'armateur, parce qu'il faut avoir des gens de confiance, et donc on prend ceux-là comme officiers. Après, il y a le reste de l'équipage, qui comporte deux sortes de gens, des marins comme vous et moi, qui ont décidé de s'engager dans la course, et puis des lascars, des cafres, des Portugais, des Américains, parce qu'ils ont envie de ça. D'aventure, de fortune. Ils ont envie, ça dépend. Sous l'Empire, les prisonniers portugais, on leur donne le choix. Ou vous restez dans un camp de prisonniers, ou vous engagez sur un corsaire. C'est pour ça que sur le Renard, par exemple, qui est le dernier bateau armé par Surcouf, un tiers de l'équipage était portugais. Et paraît-il, parti à l'assaut en criant « Vive la France !» La lutte a perdu son caractère humain. On se déchire, on se mord, on s'étrangle. Je devrais peut-être à présent décrire quelques-uns des épisodes dont je fus alors le témoin, mais je sens que la force me manque. Les nombreuses années qui se sont écoulées depuis l'abordage du Kent, en retirant à mon sang sa fougue et sa chaleur, me montrent aujourd'hui, sous un tout autre aspect que je le trouvais alors, les événements de mon passé. Je demanderai donc la permission de passer sous silence des souvenirs douloureux pour moi, les combattants qui, aux prises sur les pavois du Kent, tombent enlacés à la mer et se poignardent d'une main, tandis qu'ils nagent de l'autre. Ceux encore qui, lancés hors du bord par le roulis, sont broyés entre les deux navires. Laurent Manœuvre, vous êtes historien de l'art et vous avez travaillé, vous, sur Louis Garneret. Vous avez publié, il y a quelques années maintenant, un livre sur lui. Est-ce qu'à votre avis, Garneret était à bord du Kent? Ah, c'est un sujet extrêmement difficile à déterminer parce que Garneret, c'est le grand menteur. Toute sa vie, hein, il a des pseudonymes, il est espion et il fabule. Au point que le grand spécialiste de l'océan Indien, l'archiviste Toussaint, à un moment dit « Mais non, Garneret n'a jamais vécu tout ce qu'il a raconté ». En réalité, il a vécu certaines choses. C'est un peu provocateur, quand je dis « c'est le grand menteur », j'aurais dû dire « c'est un marin ». Et lui-même le dit, et beaucoup de gens l'observent, les marins ont tendance à un peu enjoliver les choses, les récits, etc. En réalité, je pense que Garneret est plutôt une volonté de magnifier la marine française. Et il va s'approprier un certain nombre de textes ou d'événements qu'il n'a pas vécu, mais pour lesquels il a eu des contacts, enfin, il a eu des contacts avec certains des témoins qui ont vécu ces événements, et lui-même va les mettre en scène pour valoriser la marine française de cette époque. C'était pour aller à Bordeaux. Le capitaine, au même instant, fit appeler son lieutenant. Le capitaine, au même instant, fit appeler son lieutenant. Lieutenant, te sens-tu le courage? Dis-moi, te sens-tu assez fort pour prendre l'anglais à son bord? Il a été assez dénigré sur ses écrits parce qu'on disait qu'il en avait rajouté, que se la jouait un petit peu, que c'était du récit maritime avant l'heure. Moi, quand je les ai lus, ces œuvres, j'ai trouvé que c'était assez admirable parce que c'est un langage extrêmement contemporain, on comprend très bien. Il n'y a pas d'utilisation exagéré du vocabulaire technique, donc on suit véritablement les aventures de ce point de vue-là. Moi, j'ai trouvé que c'était assez réussi. C'est peut-être passé de mode, mais c'est assez réussi. Alors sinon, c'est un personnage étonnant. Il a rien ne le destinait à aller en mer. Il y est allé quelques années, une dizaine d'années. Il est marin une dizaine d'années, à peine, dans son très jeune âge. Et ensuite, il a tout à fait d'autres carrières, autre chose. Il devient conservateur de musée à Rouen, ce qui est quand même assez marrant pour un marin. Et il a également été un admirable peintre. Alors, peintre, plus d'une centaine d'œuvres référencées, je crois, à peu près autant d'estampes et d'aquatintes, donc c'est un gros producteur. Apparemment, selon la légende, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas été vérifié, mais quand il a été prisonnier sur les pontons anglais qui étaient utilisés pour garder les équipages français afin de les éviter de combattre, il a survécu en partie grâce à son art, parce qu'il savait dessiner, donc il faisait des petites productions dont les Anglais ont été amateurs, et ça l'a permis de se former. Garneret disait lui-même, je crois, à un moment dans son récit, qu'il avait fait tous les métiers de la mer, sauf pirate. Donc c'est assez intéressant, parce qu'il fait bien, lui, la distinction entre le pirate et le corsaire. Ça n'est pas un bandit. À la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Que sait-on précisément et de façon certaine, historique, de la vie et des principales étapes de la vie de Louis Garneret, Laurent Manœuvre ? Eh bien d'abord, c'est un marin qui naît à Paris, ce qui est quand même assez rare. Donc il est vraiment parisien, d'une famille parisienne. Son père est peintre et graveur. Ses deux frères seront peintres également. Un sera peintre décorateur pour la Comédie française, donc il meurt assez jeune, mais il a une carrière assez officielle. Son autre frère, plus jeune, Jean-François, lui, va travailler aux Antilles comme graveur, et puis il reviendra, il fera également de la peinture, ça sera également un bon peintre. Et ils ont une sœur, Pauline, qui épousera un certain Monsieur Cabane, qui va aussi exposer. Et donc toute la famille va travailler ensemble. C'est aussi une des difficultés dans l'œuvre de Garneret, il est très difficile de savoir ce qui a été peint par un frère, par l'autre, par la sœur. On sait que la sœur reprend des tableaux commencés par un de ses frères. Les uns gravent d'après les peintures des autres, on peint d'après les dessins de l'autre. Donc c'est vraiment un travail de famille, un travail d'atelier, comme ça se faisait beaucoup à cette époque. Donc il a cette formation assez jeune. Et puis, pendant la Révolution, eh bien, il a un cousin qui lui raconte un certain nombre de récits de marins. Et donc il va à l'île d'Aix et il s'engage dans la marine. Et il part pour l'océan Indien. Et alors là commence toute une période assez confuse, puisqu'il est censé être sous les drapeaux, et en même temps il va avoir une activité de corsaire, une activité de négrier. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on manque d'informations, parce qu'il a sa carrière officielle de marin de l'État, mais à l'époque, les marins sont pas toujours payés de manière régulière, etc. Donc, on voit bien qu'il va faire des petits boulots, entre guillemets, c'est-à-dire corsaire avec surcouf, peut-être. Négrier, c'est certain, alors ça a été remis en question, mais dans les archives du musée de la marine de Honfleur, j'ai retrouvé les rôles d'équipage d'un navire négrier où il y a bien la signature de Garneret. Et puis, après autre confusion, il revient en France, dit-il, sur la Belle Poule. La Belle Poule est attaquée par les Anglais et donc il est envoyé sur les pontons britanniques. Mais le grand historien des pontons britanniques, Richard Rose, en travaillant sur les archives des pontons, découvre qu'il y a bien un Garneret qui a un alias Pierre Priol, donc déjà un pseudo, et que ce Garneret alias Priol a été pris sur un bateau, non pas à la Belle Poule, mais un autre navire, et dans la mer des Antilles. Donc, et qui n'a pas été sur le ponton, sur un ponton où Garneret d'y avoir été, mais qu'il a été sur un autre ponton, et qui n'a pas connu certains personnages, mais qu'il en a connu d'autres. Donc, si vous voulez, c'est assez confus, toute cette histoire, et démêler le vrai du faux est extrêmement complexe. Monsieur Garneret est bien gentil, mais je conseille à tous ceux qui s'intéressent à Garneret à aller à Vincennes. au service historique de la Défense et consulter le dossier de M. Garneret. Et ils apprendront que M. Garneret a été sur deux bateaux en même temps, la Confiance et la Delle. C'est pas possible. Vous apprendrez qu'il a été sur tel bateau, mais qu'en réalité, les services officiels considèrent qu'il n'a été que sur tel autre bateau, et ainsi de suite. Et puis, comme il voulait proposer une biographie de Surcouf, il avait envoyé un dossier, comme ça se fait maintenant, aux gens du ministère, et il y a l'avis de la personne qui a été chargée dans le ministère de donner un rapport sur le projet de Garneret, et le rapport n'est pas très bon. En plus, Garneret, il a raconté son soi-disant passage sur la Confiance. Au cours du combat, il met 5 discours dans la bouche de Surcouf. Croyez que Surcouf a eu le temps de faire 5 discours. Bon, il a dû dire « On y va les gars, puis c'est tout, hein !» Que sait-on historiquement du combat du Cap ? Dominique Lebrun. Nous avons beaucoup de chance, il existe un journal de bord qui était tenu par le second de la Confiance. C'est un certain Drieux, le capitaine en second. Les navires corsaires étaient tenus d'avoir un journal de bord. Donc ce Drieux nous donne une description totale de cette campagne. Le seul ennui, c'est qu'on n'a pas la liste d'équipage. Et on a par ailleurs l'habitude avec Garneret de l'entendre raconter des choses que soit il a vécues ou qu'il déplace. Ses souvenirs le trahissent quelquefois parce qu'il écrit quand même avec quelques dizaines d'années de décalage. Mais on s'en formalise peu tout de même. Ce n'est pas si grave que ça. Le fond documentaire de Garneret passe avant tout. Et surtout, c'est très agréable à lire. Garneret s'est mis à écrire ses souvenirs après avoir été horrifié par les écrits d'Eugène Sue. Alors Eugène Sue, donc les Mohicans de Paris, Eugène Sue avait été chirurgien de marine, figurez-vous. Il a assisté ou participé à une ou deux batailles navales, comme chirurgien de marine et dans la marine nationale, et à ce titre se pensait autorisé à inventer des beaux romans avec des pirates, comme Kernogh le pirate et autres. C'est des textes qu'on va qualifier de grotesques. Et du point de vue maritime, c'est plein d'aberrations. Et Garneret, qui était un homme qui avait vécu la chose, qui en même temps voyait apparaître une autre littérature maritime, avec notamment Corbière, le père du poète, qui lui-même était armateur, dit non, il est quand même possible de raconter des belles choses sur l'histoire maritime, mais en étant exact. Donc il prend la plume à son tour, de manière un peu brute, mais je pense que très vite il se laisse emporter par le plaisir de faire de belles scènes, comme il sait les peindre, et bien il les raconte de la même façon, et donc ça s'enjolive, disons. Non, je ne devrais pas dire qu'il enjolive, je dirais que tout comme il construit un tableau, Prise du Quint, on parlait de sa construction, et bien son texte c'est pareil, il lui donne les ingrédients pour pouvoir être lu, apprécié, son but étant de laisser un souvenir de ce que fut la marine française. Les représentations les plus réussies de baleines et de scènes de chasse sont de loin celles qu'en donnent deux grandes estampes françaises fort bien reproduites d'après l'étoile d'un certain Garneret. Qui est ou qui était le peintre Garneret? Je n'en sais rien. Mais sur ma vie, ou bien il était familier du sujet, ou bien il fut merveilleusement instruit par un baleinier expérimenté. Les Français sont des gars faits pour peindre l'action. Allez voir toutes les peintures de l'Europe et voyez où vous trouverez une galerie qui vous offre des toiles plus vivantes et animées que celles du triomphal palais de Versailles. Le spectateur s'y ferait son chemin parmi toutes les grandes batailles de France. Les rois et les empereurs en armes chargent comme des centaures couronnés. Les scènes de combat de Garneret ne seraient pas indignes de figurer à leur côté. Herman Melville, Moby Dick, 1851. Et c'est très intéressant parce que ça renvoie à une partie de la peinture de Garneret où effectivement, moi, j'ai été assez frappée par le fait qu'il représente des chasses à la baleine. Martine Acera. Il y en a plusieurs dans son œuvre, peut-être une bonne dizaine de tableaux qui représentent, alors dans des situations différentes les unes des autres, ces prises, donc ces chasses hein, de ces énormes mammifères, avec tout le spectaculaire que vous pouvez imaginer dans les vagues, ou dans le froid, ou dans la glace, avec le geyser et le jet de sang, enfin tout est bien représenté. Et c'est vrai qu'il a une grande finesse aussi de représentation de ces animaux tout à fait spécifiques qui demandent à avoir été vus pour être représentés. Le problème des peintres, très souvent, c'est qu'ils représentent par imaginaire ou par récit. Pour les baleines, Garneret en avait vu, il savait très bien les dessiner et les autres ne les avaient pas forcément vus. Lorsqu'il s'occupe de la mer, des bateaux et des hommes à bord, il est absolument génial. Et on peut lui faire confiance quand il donne des détails d'accastillage, quand il représente un navire sous les huniers, c'est-à-dire sous les voiles intermédiaires, il n'y a plus les grandes voiles, ça signifie quelque chose, enfin, tout est extrêmement précis. Le grand débat de l'époque, hein, de son vivant, c'est seul un ancien marin peut être un bon peintre de marine. Laurent Manœuvre. Et puis d'autres disent, mais non, pas du tout, la peinture de marine, c'est plutôt des effets atmosphériques, des bateaux, etc., même s'ils ne sont pas très bien représentés, même si tous les cordages, tous les filins ne sont pas exacts, ça peut être une bonne peinture de marine. Et c'est le grand débat des années 1830-1860. Laurent Manœuvre, c'est dans la première moitié du 19e siècle, aux alentours des années 1830, que la fonction de peintre officiel de la marine naît. À ce compte-là, est-ce qu'on peut dire que Garneret est l'un des premiers peintres officiels ? Alors, le premier peintre officiel de la marine, en réalité, c'est Joseph Vernet au XVIIIe siècle. La marquise de Pompadour le fait nommer peintre du roi. Donc c'est la première fois en France. Joseph Vernet meurt d'ailleurs en 1789 et il n'y aura plus de peintre de la marine. Mais il se trouve que dans les années 1820, on va recréer, non pas un titre de peintre de la marine, de peintre officiel de la marine à ce moment-là, mais un titre de peintre de marine du duc d'Angoulême, donc le futur Charles X. Et Garneret va concourir aux côtés de Crépin, qui était un très bon peintre de marine aussi de cette époque, et il va obtenir le titre de peintre de marine du duc d'Angoulême. Donc c'est le premier au XIXe siècle à porter ce titre. Et puis en 1830, on crée vraiment le titre de peintre officiel de la marine. Et là, les deux premiers peintres à obtenir le titre seront Crépin, qui est donc un vieil homme à cette époque et qui peint presque plus, mais c'est une façon de l'honorer comme en tant que pionnier, et Gudin, Théodore Gudin. C'est vraiment l'artiste qui est capable de peindre des tableaux de 5 mètres sur 4, voire plus, des choses absolument grandioses, des tempêtes phénoménales. Garneret est un peintre beaucoup plus discret, très objectif. Il est très proche de toute une peinture de portraits de bateaux, de portraitistes de bateaux, et c'est toute la manière de Garneret d'ailleurs. C'est une manière vraiment très détaillée et qui un peu froide, parfois même, pas dans ce tableau-là, mais parfois même très glacée, et qui a une poésie justement. Cette objectivité a une véritable poésie. Mais vous, capitaine, pourquoi retournez-vous en France ? Oh, moi, garçon, c'est autre chose. Tout viveur errant que tu me vois, j'ai un sentiment dans le cœur qui m'obsède et me harcèle sans cesse. Je vais en France pour me marier. En effet, le 29 janvier 1801, Surcouf, commandant la Confiance, mettait à la voile pour Bordeaux. Comme ses mémoires, renfermant seulement les faits dont j'ai été témoin, laissent en route, sans plus s'en occuper, des personnages auxquels le lecteur pourrait s'intéresser, mais que le hasard n'a plus placé sur mon chemin, j'ajouterai que Surcouf, après une traversée accidentée au possible, et que je regrette vivement de ne pas avoir faite, ce qui me donnerait le droit de la raconter à présent, trouva, en arrivant, les passes de la Gironde bloquées, et parvint à débarquer la riche cargaison de la Confiance à La Rochelle, où il mouilla le 13 avril suivant. Quant à son mariage avec celle qu'il aimait, mademoiselle Marie-Catherine Blaise, il eut lieu à Saint-Malo le 8 Prairial en 9 de la République, ou, si l'on aime mieux, le 28 mai 1801. on voit que Surcouf menait aussi rondement les affaires de sentiment que celles de sa profession. Le corsaire breton avait alors 27 ans. Est-ce qu'on sait, Alain Roman, ce qu'il y avait à bord du Kent quand Robert Surcouf l'a pris ? Alors, on sait à peu près. Il n'y avait pas grand-chose. Oui, c'est bien, c'est la fameuse séquence de l'or du Kent qu'il aurait jeté à la mer. J'aime autant vous dire que ça ne se serait pas passé. Qu'est-ce qui raconte cette histoire d'or ? C'est pas Garneret ? Non, c'est pas Garneret, c'est après. C'est le petit-neveu. Robert, qui s'appelle aussi Robert Surcouf. Garneret lui raconte que Surcouf a vendu la cargaison et le navire pour plusieurs milliers de livres. Ce que l'on sait de la cargaison, parce qu'on ne sait pas toujours les détails, comme il y avait deux régiments à bord, il y avait des armes. Ça, il faudrait que les gens comprennent une fois pour toutes qu'un corsaire, ce n'est pas un gars qui arrive, qui ouvre des coffres et d'où sortent des tas de bijoux et de pièces d'or. À l'époque de Surcouf, l'argent ne circule plus, les bijoux ne circulent plus. Ce qui circule, c'est du papier. Mais ce n'est pas des ruisseaux d'or et d'argent et de bijoux. Non. Mais il y a des épices, il y a des tissus, il y a des marchandises, oui, qu'on échange quand, oui, même d'un bout à l'autre du, oui, du mais monde. Oui, mais ce n'est pas aussi clinquant que des... les bijoux, non. Il n'y a pas des coffres de doublons d'or. Non. C'est vraiment un mythe, les corsaires, puisque on sait bien que, les études historiques ont prouvé que s'il y a eu un Surcouf, s'il y a eu quelques corsaires qui ont eu une carrière extrêmement fastueuse, il y en a beaucoup d'autres qui ont eu des conditions de vie extrêmement terribles. Le nombre de corsaires malouins qui ont été sur les pontons, qui ont été faits prisonniers, est considérable. Le nombre de faillites chez les corsaires bordelais est également considérable. Alors, tout ça, ça va être gommé par des récits, par les peintures de Garneret, par tout ce mythe du corsaire. Mais la réalité, elle était tout autre. Le mythe du corsaire va faire partie de ces grands mythes de l'histoire française que l'on va mettre en avant en falsifiant un petit peu la réalité, mais en faisant rêver aussi. Ça va nous faire rêver, puisque les récits de Garneret, pour en venir aux récits de Garneret, vont être réédités dans des bibliothèques pour les jeunes, de manière un peu expurgée parfois, mais enfin, vont être réédités jusque dans les années 1970. Et un nombre considérable de personnes ont lu les mémoires de Garneret. C'est ce qui m'a surpris quand j'ai publié le livre. Beaucoup de gens venaient me voir en me disant « Je connaissais pas le peintre, mais moi je connais Garneret parce que quand j'étais gamin, je l'ai lu en bibliothèque verte, où je l'ai lu, donc ça a été publié pendant des années et ça va contribuer à constituer le mythe du corsaire au fil du temps. » Merci à Martine Acera, Alain Roman, Philippe Petou, Dominique Lebrun et Laurent Manœuvre. Merci également à Alexandre Jubelin et à Isabelle Guillaume, auteure des Trois vies de Louis Garneret dans la revue Le Chasse-Marée, un article disponible en ligne. Les textes de Louis Garneret, lus par Daniel Königsberg, étaient tirés de « Moi, Garneret, artiste et corsaire » aux éditions Omnibus, qui regroupe en un volume tous les écrits de Garneret. Prise de son, Alexandre Abergel. Mixage, Alain Joubert. Le sabre, le pinceau et la plume, la prise du Kent par Louis Garneret. Un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Renaud Dalmar. Voilà donc pour ce dernier volet de notre série consacrée à l'histoire des pirates et des corsaires. Vous pouvez bien entendu réécouter toute cette série sur le site franceculture.fr à la page de la Fabrique de l'Histoire, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse FabriqueFC. FabriqueFC. À demain. Demain, nous parlerons évidemment, comme tous les vendredis, d'histoire et d'actualité.